sans la fracture. Paye la facture, que je t'affure. Je rappe le parterre, paranoïaque. Ça fait des années, je fais gaffe aux faux frères et aux facteurs. T'inquiète pas, je nique ça. Je tape sur l'instru, je fais des zigzags. Je fais des zik sales et des zik pour les filles sexy qui me disent c'est des sons qui me piquent ça. Je suis dans le faisceau mère, pas besoin de dictionnaire. Dans le son, tu galères, tu lui niques son air et nique sa mère. 4-4 de travers, je fais mon chemin sous la verse. Si, je prends pas de si. Je me demande pas sur les réseaux zozo. Bruit de calage, ça résonne zozone. Ça sent le DCC, la guitare crie comme un CDC. C'est chaud, y'a tout le monde qui l'aimait, mais y'avait personne là sans DCC. Si, je prends pas de si. Je me demande pas sur les réseaux zozo. Bruit de calage, ça résonne zozone. Ça sent le DCC, la guitare crie comme un CDC. C'est chaud, y'a tout le monde qui l'aimait, mais y'avait personne là sans DCC. Sur ma mère, j'ai un cul, la flamme de roulé. Que tu fais la star, c'est mon Camille enroulé. J'suis en roue libre sur la route du succès. Et petit fils d'eux, t'as voulu me la faire, mais on a vu qui c'est. Parce qu'il a trop sucé, j'ai plus de soucis avec qui que ce soit. J'fais attention qui j'vois. Je vais voir ce soir. Voleur, vendeur, guetteur, vendeur de moto, course poursuite entre les poteaux. Braqueur comme dans Shota, c'est trop chaud. Reste que les souvenirs des photos. Le passé écrasé sous la ASICS. Tout c'est magique, logique. Top one et les bleus de couilles cogitent. Trop jite, logique. Bande de couteaux, je me réconforte pendant tantôt. J'avais des couteaux. Petit couteau, ils me voient grand comme une vague. Je les vois petits comme une goutte d'eau. Si, je prends pas de si. Je me demande pas sur les réseaux zozo. Bruit de calage, ça résonne zozone. Ça sent le DCC, la guitare crie comme un CDC. C'est chaud, y'a tout le monde qui l'aimait, mais y'avait personne là sans DCC. CCC, je prends pas de CCC. Je me demande pas sur les réseaux zozo. Bruit de calage, ça résonne.